Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. Premièrement, cette émission du sperme infantile donnée bénévolement par des enfants en vue d'une fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant-colon fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres. Quatrièmement, oui, je dis une chose bizarre, c'est que les Indiens d'avant-colon étaient, contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un peuple étrangement civilisé. Et qu'ils avaient justement connu une forme de civilisation basée sur le principe de la cruauté. Cinquième. Et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Sixième. Comme ça? Non. Je ne le sais pas. La cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang Dieu, le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout. On peut la rencontrer. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bête. Qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle l'esprit. Or, cet esprit venu des Indiens d'Amérique ressort un peu partout aujourd'hui. Les allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse, morbide, l'état accusé de vice, mais un vice qui est plus que maladie, que microbe et de maladie. Parce que Riez tant que vous voudrez. Mais ce qu'on a appelé des micros, faites-le. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes pour leurs atomes, ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Arthur. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu.